الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après cette courte interruption, nous poursuivons l'étude de Kitab al-Tahara, chapitre 2, la purification. Nous avons fini le bab al-Istinja. Bab al-Istinja et de nombreux détails. Naam, lorsque je dis détails, c'est-à-dire de nombreuses masa'il, pas détails dans le sens, ça n'est pas important. Je précise même si c'est évident. Donc nous entrons, si je ne me trompe pas, dans le chapitre numéro 4. Babu siwak. Babu as-siwak. Ce chapitre est pour nous très important. Quand je dis pour nous, c'est-à-dire que sur le grand nombre de personnes que je vois, min ahli sunnah, mais malgré ça, peu sont ceux qui mettent en pratique cette sunnah qui est très importante. Et lorsqu'on entend les hadiths et qu'on étudie les hadiths relatifs au siwak, on regrette cette mada, distraction. Siwak, c'est muhim jiddan. Siwak, c'est très important, comme on le comprendra à travers ce chapitre. Siwak, lughatan yutlaqu ala al-ala, fayuqal hada siwak. Probablement que tout le monde sait ce qu'est un siwak. Sauf celui qui s'est converti il y a quelques jours, mais je vais quand même en montrer un. Ceci est un siwak. Ma'ak indaka siwak. Khod. À partir d'aujourd'hui, tu utilises le siwak à chaque fois que tu fais le wudu et avant chaque salat. D'accord? Ton père, il utilise le siwak ou pas? Non, il est où? Madame a testé le siwak. Pardon. Je lui dis la même chose. Si tu n'oses pas, tu me dis, je lui dis. D'accord? Tu veux pas de problème. Al-siwak lughatan yutlaqu ala al-ala. Donc dans la langue arabe, al-siwak, on l'utilise pour parler de ça. C'est-à-dire la chose avec laquelle on va se frotter les dents ou les gencives. D'accord? Fataqul hadha siwak. Wa yutlaqu ala al-fi'l. Et on cite également ce terme pour parler de l'action de se frotter les dents. Donc le mot siwak, on va l'utiliser pour l'objet avec lequel on va se frotter les dents. Et on l'utilise également pour parler de l'action. Pour parler de l'action de se frotter les dents avec cette chose-là. Fayuqal as-siwak sunnah. Tu dis par exemple as-siwak sunnah. Le fait de se frotter les dents est une sunnah. Amma le fait de garder le siwak toute la journée dans la bouche ou durant un dars, est-ce que c'est une sunnah? Hein? Taïb. Dans un dars de Cheikh Salah Al-Fawzan, il nous a rapporté que personne n'avait un siwak dans la bouche. Le Cheikh l'a réprimandé. Hein? Le Cheikh l'a réprimandé. Comme si ça n'était pas mal dans le comportement adéquat de rester ainsi durant le cours. Istilahan, donc religieusement parlant, as-siwak huwa isti'malu 'udin fil asnan aw al-lisan aw al-litha aw al-litha li izalati ma ya'laqu biha min al-at'imah wal rawa'ih al-kariha aw al-rawa'ih aw nahwiha. Donc dans la religion siwak, c'est le fait d'utiliser un bâton et de se frotter avec les dents ou bien la langue et les gens ou les gencives afin d'ôter ce qui a pu s'y accrocher ou les mauvaises odeurs, plutôt les odeurs, les odeurs ou des choses semblables. Donc c'est ça siwak, c'est d'utiliser ce avec quoi tu vas te frotter les dents, pas forcément un bâton, comme l'avis de beaucoup de savants, ce avec quoi tu vas te frotter les dents, les gencives ou la langue, afin d'enlever par exemple le tartre ou bien de la nourriture après avoir mangé, ou pour faire partir l'odeur de la bouche. Après avoir cité la définition du siwak, dans l'oratan wa stilahan, donc dans la langue arabe et dans la religion, citons maintenant hukmu siwak. Hukmu siwak. Donc deuxièmement, le jugement du siwak. السواك مسنون في جميع الأوقات. السواك c'est une sunna et c'est recommandé dans tous les moments. ولو للصائم, quand bien même la personne sera en état de jeûne, même pendant la journée de Ramadan par exemple. Même pendant la journée de Ramadan, par exemple. Sawan kana fi awwal an-nahar aw fi akhirih. Na'am, walaw qabla az-zawal. Et cela, que ce soit au début de la journée ou à la fin de la journée. Car il y a une divergence. Na'am. Sur le fait d'utiliser le siwak, la deuxième partie de la journée. Certains ont dit que c'était détestable avant Az-Zawal. Et l'avis le plus authentique qui a été cité par Al-Muhaqqiqoun, c'est que ça n'est pas détestable, que ce soit avant ou après Az-Zawal. Hada lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal as-siwak matharatun lil-fam marbatun lil-rabb. Rawahu al-Bukhari. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Et un agrément pour le Seigneur. En utilisant un siwak, na'am, il y a ici, dans ce hadith, deux faïdas qui sont citées. Deux bénéfices. La première, tu purifies ta bouche. La deuxième, cela te vaut l'agrément de ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance du siwak et la place du siwak, nous dit Laula an ashuqa ala ummati la amartu bis siwak inda kulli salah. Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si je ne craignais que ce soit trop lourd sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque prière. Muttafaqun alayh. À chaque prière. C'est-à-dire avant chaque prière, on t'aurait ordonné de te frotter les dents avec un siwak. Naam. Et une chose qui vient avant chaque salat, c'est une chose importante. C'est une chose importante. Ce qui se rattache à la prière, c'est une chose donc importante. وَهَذَا التَّرْغِيبُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْلَقٌ. Et cet encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de se frotter les dents, d'utiliser un siwak, est venu et n'a pas été rattaché à un temps précis. Mais ça a été cité de manière absolue. Donc que ce soit au réveil, que ce soit au coucher, au milieu de la journée, avant le zawal, après le zawal, donc la moitié de la journée, avant ou après. Tout cela nous est légiféré et recommandé. C'est recommandé, ça veut dire que si tu utilises un siwak, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. Si tu utilises un siwak, tu prends des hasanat. Biljumla. Si tu utilises le siwak afin de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu as des hasanat. Et mais si tu le délaisses, tu ne prends pas de péché, car ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Le troisième point qu'on cite ici, mata yata'akkadu as-siwak. Après avoir dit que c'est légiféré et recommandé à tout moment, les savants ont cité après les moments où cette recommandation est plus importante. Quelqu'un aurait pu dire, mais est-ce qu'il y a, c'est comme si les savants avaient répondu à cette question avant qu'on la pose. Est-ce qu'il y a des moments précis où il nous est particulièrement recommandé d'utiliser as-siwak? Donc ce point vient répondre à cette question. Premièrement, inda kulli salah, au moment de chaque prière. Est-ce que c'est que les prières sur obligatoires, les cinq prières obligatoires, ou bien même al-rawatib, même al-nawafil al-mutlaqa, même qiyam al-layl, hein? Inda kulli salah wa kull min alfadh al-umum, hein? Lors de chaque prière. Donc que ce soit les prières obligatoires ou non, que ce soit les prières obligatoires ou non. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons cité dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, law la an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Si je ne craignais d'être que ce soit trop lourd, ni de mettre une difficulté sur ma communauté, si je ne craignais pas de mettre une difficulté sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque prière, c'est-à-dire avant chaque prière. Deuxièmement, inda kulli wudu. Deuxièmement, inda kulli wudu. Au moment de faire al wudu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه البخاري تعليقا. Si je ne craignais que ce soit trop lourd pour ma communauté, d'être trop lourd avec cet ordre sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque fois qu'ils font al-wudu. Donc, il y a le même texte pour as-salah et pour al-wudu. Troisièmement, inda l'intibahi min an-nawm. Troisièmement, lorsque la personne se réveille. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس يدلك فاه بالسواك متفق عليه. حذيفة رضي الله عنه nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, se frottait la bouche avec as-siwak. Muttafaqun alayh. Cela sous-entend que ton siwak, tu le gardes près de toi. Naam, pour celui qui a maza, comment est-ce qu'on appelle ça, un chevet? Comme ça qu'on dit? Un endroit proche, yani une petite table, une commode ou autre chose, près de lui. Et lorsqu'il se réveille, la première chose qu'il fait, yastak. Puis, yadkurullah. Naam. Et si la personne se lève et n'a pas ce type de siwak, en bâton, elle va dans la salle de bain et prend sa brosse à dents, se lave les dents. Naam. Est-ce qu'elle aura mis en pratique cette sunnah ou pas? Naam. Tu dis oui? Vous êtes tous d'accord? Naam. Tu es d'accord avec lui parce qu'il est plus vieux que toi? Non. Nahnu nattabi' ad-dalil. Nous on suit dalil. Plus grand, plus petit, homme, femme. Nous on suit quoi? Les preuves. Jazakallah khairan hada. ومن حفظ الآثار قويت حجته. Certains parmi les plus prédécesseurs disaient, peut-être Al-Awza'i ou un autre, celui qui mémorise les athars, les textes, قويت حجته, son argumentation elle devient forte. Naam. C'est pas avec tes muscles ou le fait que tu sois de sexe masculin ou ton origine ou ton père est un tel que ça te donne raison devant quelqu'un d'autre. Naam. Le savant lui-même n'est pas une preuve devant un autre savant. Le compagnon lui-même n'est pas une preuve devant un autre compagnon. Mais ce sont les textes qui priment. C'est muhim. C'est très important. Par moment, lorsque des gens ont étudié qu'auprès d'une seule personne, et lui témoigne donc naturellement un certain respect, lorsqu'il se déplace dans un autre endroit, dans un autre cours, il se peut que l'enseignant dise « Shir un tel a dit ça » parmi les savants. Et cet élève respectueux de son prof, devant son prof, à la fin va voir l'enseignant et lui dit « Oui, mais on a vu avec notre prof un tel, Ibrahim, telle chose et telle chose. » Le frère lui dit « Oui, mais le savant a dit telle chose. » D'accord? Les deux sont en tort. Les deux sont en tort. Toi, t'es en tort parce que c'est une mauvaise éducation. Lorsqu'on te cite Shir un tel, tu ne cites pas ton prof un tel si ça n'est pas un Shir. Naam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'autre enseignant n'aurait pas dû dire oui, mais Shir un tel a dit ça. Et s'arrêter là. Non. Il aurait dû dire Naam, mais Shir un tel a dit ça, et la preuve qu'il a avancé est tel hadith ou tel verset. Ça, c'est l'éducation que tu dois donner à celui qui vient rechercher la science. Tu le rattaches au texte, et dans cela, et avec cela, le respect des gens de science. Et le fait de délaisser la parole d'une personne de science pour une autre personne de science pour les preuves, par rapport aux preuves qu'il a amenées, ne comprend aucunement un manque de respect pour la personne dont tu as délaissé la parole. Au contraire. Au contraire. Naam. Donc c'est la bonne réponse selon l'avis de beaucoup de savants. C'est que siwak, ça n'est pas que avec le bâton. Naam, al-siwak, ça n'est pas que avec le bâton, comme on le verra peut-être plus tard, inshallah ta'ala. Donc, avant chaque salat, avant chaque wudu, troisièmement, lorsque tu te réveilles, et la preuve est le hadith de Hudayfa. Quelle particularité avait ce compagnon? Hudhaifa ibn al-Yaman. Naam. Allahu Akbar. Jazakallahu khayran. T'avais disparu, Adam, des doulous un petit peu. T'étais où? T'es parti faire talib ilm? Aywa. Donc, comme a dit notre frère, waffaqahu Allah wa hafidha waliday, c'est celui qui avait la liste des hypocrites qui lui avait été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on le surnomme Sahibu Sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, qu'est-ce qui nous aide? Ta'awun ma'ana. Quatrièmement, lorsqu'on entre chez soi, Ahsan. Là, dans l'ordre que j'ai ici. Est-ce que tu as dit ça viendra? Inda taghyir ra'ihatil fam. Lorsque l'odeur de la bouche change. Lorsque l'odeur de la bouche change. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le siwak est une purification pour la bouche. C'est une purification pour la bouche. Cinquièmement, comme a dit notre frère, ذكرني باسمك, ton nom, comment, Yassine, نعم. Comme a dit notre frère Yassine, عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ, lorsqu'on entre chez soi. Lorsqu'on entre chez soi. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Naam. Je crois que c'est Aïcha qui a rapporté le prophète. La première chose qu'il faisait, c'est جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. C'est parfait et dit dans un bon français. Tu redis la même chose en arabe, ce sera parfait sans remarque à ajouter. Donc, la preuve de cela est le hadith de Miqdad. Et le hadith de Miqdam, plutôt, pas Miqdad, Miqdam ibn Shuraih, an Abi radiallahu anhuma. قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت رضي الله عنها بالسواك رواه مسلم. Donc المقدام بمقدام ابن شريح nous dit que son père a questionné Aïcha radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous rappelle des particularités de Aïcha radiallahu anha? Par quoi elle s'est distinguée de ses coépouses, par exemple? C'est l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam, Ibrahim. Comment? C'est la femme qui a rapporté le plus de hadith. Bien, plus, yani plus que ça. C'est la femme la plus savante du monde. Radiallahu anha. Elle a rapporté plus de hadith que la plupart des sahabes. Elle a rapporté plus de hadith que la plupart des sahabes. Naam. Tu voulais dire quelque chose sans lever la main? C'est qui a parlé? C'était toi? Tu as levé la main sans que j'ai vu? Oui. Ensuite tu as parlé en même temps? Taïb. Donc, qu'est-ce qui ajoute une particularité sur Aïcha radiallahu anha? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais reçu la révélation sur l'une de ses épouses, si ce n'est, ou avec l'une de ses épouses, si ce n'est Aïcha radiallahu anha. Naam, Jibril. Comment? Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez Aïcha. Plus que cela, il est décédé sur Aïcha. Allahu Akbar. Il est décédé sur Aïcha. Naam. Il y a une faïda avec notre cours concernant Aïcha. Il y a une faïda en plein rapport avec notre cours. Naam. Ahsante, jazakallahu khairan. Lorsque le prophète sallam était sur le point de mourir, un homme est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était-il? Abdurrahman, le frère de Aisha radiallahu anha. Et il avait dans les mains un siwak. Ensuite, le prophète sallam regardait ce siwak. Et Aisha, en tant qu'épouse modèle, savait ce que son mari voulait juste en le regardant. Subhanallah. Juste en le regardant, le prophète sallam ne pouvait plus parler. Elle a pris le siwak, elle lui a dit: tu veux le siwak? Il lui a fait signe de oui. Elle a pris le siwak, elle lui a donné. Puis elle lui a dit: je te le ramollis. Il lui a fait signe que elle l'a ramolli. Ensuite elle lui a passé et il a utilisé le siwak de la meilleure façon. Elle a dit la dernière chose qui s'est mélangée. Puis elle a utilisé, elle l'a pris elle aussi. Et sa salive s'est mélangée à la sienne avant qu'il décède. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, le prophète sallam a recherché quoi? L'agrément d'Allah. Avec quoi? Al-siwak. Wallahi, cette histoire est suffisante pour qu'après ce cours, tout le monde utilise al-siwak. Sahih? Cette histoire est suffisante pour qu'après ce cours, nous fassions partie des gens qui suivent cette sunnah. Naam? Utiliser al-siwak. Une des dernières actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de décéder, al-siwak. As-siwak. Car avec cette action, mardatun lirab, il y a l'agrément de ton Seigneur. Il a donc demandé à Aïcha: par quelle chose commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait chez lui? Lorsqu'il entrait chez lui, elle a dit la première chose, as-siwak. Ça c'est une sunna. Ça, c'est une sunnah. Naam. La personne, lorsqu'elle sort, elle se prépare pour sortir. Et la personne, lorsqu'elle entre, il y a aussi une préparation lorsque tu entres chez toi. Il y a aussi des madas, un comportement qu'on verra dans le cours du jeudi. Et ici, on voit ce point-là. C'est le fait d'utiliser as-siwak. Donc à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu passes le pas de ta porte, la première chose par laquelle tu commences, as-siwak. Ça c'est parmi les grands bienfaits de la science, c'est que tu t'éduques. C'est que tu t'éduques dans des choses qui en dehors de la science n'auraient même pas pu te traverser l'esprit. Naam. Tu apprends à suivre, tu apprends qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu apprends à savoir comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu le suis. Naam. Tu le suis dans tout ce qui te parvient comme science. C'était le cinquième point. C'est ça? Le sixième point. Le sixième point. Inda dukhuli al-masjid. Le sixième point, lorsque tu entres à la mosquée. Quel était le cinquième point? En entrant chez toi. Naam. Est-ce qu'il y a un endroit plus noble que chez toi? Naam. Quel endroit? Al-masjid. Faqas al-ulama hada ala hada. Donc les savants ont fait une analogie entre cette chose et cette chose. C'est-à-dire que si, en entrant chez toi, il était légiféré d'utiliser al-siwa, à plus forte raison en entrant dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moments également où il nous est légiféré d'utiliser al-siwa, inda iradati dhikrillah, lorsque tu veux faire le dhikr, naam, de manière générale. Parmi les moments où il nous est légiféré, où c'est une bonne chose d'utiliser siwak, le fait d'utiliser siwak avant de lire le Coran. Avant de lire le Coran, c'est le meilleur dhikr. Naam. Ils ont cité, et ça, on a cité des choses qui reviennent à d'autres points qu'on a déjà cités. Par exemple, ils ont dit avant de beaucoup parler, après avoir beaucoup parlé. Ça, c'est un rapport avec le zikr, ou c'est un rappel avec le changement de l'odeur de la bouche. Il y a un autre point. Qui nous résume. C'est un autre point. Après le repas. Allahu a'lam. Na'am. Qiyam al-layl. Ça rentre dans salat. Ça rentre dans le réveil. Et peut-être en changement de l'odeur de la bouche. Avant de dormir. Ça doit rentrer dans mutlaq. En dehors de ça, c'est recommandé de manière générale. C'est recommandé de manière générale. Naam, tu es chez toi, assis, tu prends ton siwak, tu te frottes les dents. Tu es à la mosquée, assis, tu prends ton siwak, tu te frottes les dents. Naam. Et certains parmi les ignorants, c'est tout le bien qu'on peut penser d'eux, lorsqu'ils voient leurs parents, naam, qui peut-être n'ont pas étudié comme nos parents et qui sont venus du pays mais qui connaissaient al-siwak. Naam. Adhkur anna al-walida rahimahallah, je me souviens de ma mère, yani depuis tout, que moi j'étais tout petit, kanat tasta'mil al-siwak. Wa hakadha al-walid. Elle utilisait al-siwak. Et nous on se demandait pourquoi elle utilise ça, elle n'utilise pas la brosse à dents comme nous, francisés que nous étions. Naam. Lorsque tu étudies, tu vois que c'est une sunna azima, c'est une sunna des plus nobles. Et une bonne action qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, que beaucoup de awam mettent en pratique, et que beaucoup parmi les étudiants ne mettent pas en pratique. Ne mettent pas en pratique. Et un des savants a dit jadis, celui qui parmi la masse n'utilise pas al-siwak, il est perdant. Et celui qui parmi les fuqaha n'utilise pas al-siwak, yani vraiment il a été distrait ou une parole semblable. Il a été distrait ou une parole semblable. Oui. Le chapitre numéro 5, Babul Wudu. Le chapitre numéro 5, Babul Wudu. Chapitre les ablutions. Al Wudu wal Wudu. Bidhammi ad-dad wa bi fathi ad-dad. Mal farq wa mal farq baynahuma. Donc on dit Al Wudu comme on dit Maza At-tuhur, et on dit Al-Wadu comme on dit At-tahur. Donc on dit Al-Wadu avec une dhamma sur le dad, et on dit Al-Wadu Naam, ou plutôt sur le waw Al-Wadu avec une dhamma sur le waw, et on dit également Al-Wadu avec une fatha sur le waw. Quel est le sens du mot Al-Wudu avec une dhamma sur le waw, et quel est le sens de Al-Wadu avec une fatha sur le waw? Al-Wudu bi dhammi al-waw ismun lil fi'l. Donc c'est le nom de l'action qui est faite. Naam, c'est le nom qu'on donne à l'action de faire ses ablutions. On appelle ça Al-Wudu. Quant à Al-Wadu, ismun lil-ma al-musta'mal lil-wudu. Quant au mot Al-Wadu avec la fatha, c'est le nom qu'on donne à l'eau que tu vas utiliser pour faire ta purification. Est-ce que c'est clair? Avec la dhamma Al-Wudu, c'est le nom qu'on donne à quoi? À l'action de faire ses ablutions. Quant au mot al-wadu avec une fatha sur le waw, c'est le nom qu'on donne à quoi? À l'eau qui est utilisée pour les ablutions. Lughatan al-wudu mushtaqun min al-wada'a wa hiya al-husn wa hiya al-husn wa an-nadhafa. Dans la langue arabe, al-wudu, ça vient du mot, c'est tiré du mot al-wada'a. Al-wada'a, c'est la propreté. Naam, c'est la propreté. Et dans la religion, al-wudu huwa at-ta'abbud lillah. Il y a plusieurs définitions, une des plus pointues et détaillées, comme l'ont dit les savants, est celle-ci. Al-wudu huwa at-ta'abbud lillah. باستعمال ماء طهور هو التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة على صفة مخصوصة الوضوء هو التعبد لله c'est une adoration vouée à Allah باستعمال ماء طهور qui s'accomplit en utilisant de l'eau pure fil a'dha il arba'a sur les quatre membres ala sifatin mahsusa et cela d'une façon précise ou spécifique. Ceci est la définition de al-wudu. التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. C'est une adoration vouée à Allah qui s'accomplit en utilisant de l'eau sur les quatre membres et cela d'une façon particulière. Reprenons cette définition plus en détail. التعبد لله. Pourquoi est-ce que les savants ont dit que الوضوء c'est une adoration? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va mettre de l'eau et laver les quatre choses concernées par l'eau d'eau, il aura fait ses ablutions? Celui qui prend de l'eau, hein, se lave le visage, on prend aussi la bouche et le nez, il se lave les mains jusqu'au coude, il passe ses mains mouillées sur la tête et les oreilles, et il se lave les pieds. Puis, il sort. Est-ce qu'on dit de lui qu'il a fait le wudu, oui ou non? On dit non. Khata. C'est une faute. Allahu Akbar. Adam a dit ça dépend. T'as compris? Ça dépend. Quand on te pose une question, des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois fi tafsil, ça dépend. Si tu réponds oui, c'est faux. Si tu réponds non, c'est faux. Si tu veux t'en sortir, des fois tu dois dire ça dépend. Naam. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la niyya, ça dépend de l'intention. La personne peut faire ça pour se nettoyer. Elle peut faire ça pour se nettoyer, elle peut faire ça pour se rafraîchir. Est-ce qu'on dira d'elle qu'elle a fait le wudu? Non. Et la personne peut faire ça pour enlever le hadath. Elle peut faire ça pour aller faire le salat. À ce moment-là, elle aura fait al-wudu. Donc lorsque les savants disent ta'abbudu lillah, ça exclut quoi? Ça exclut la personne qui lave les membres de l'wudu, les parties concernées par l'wudu, sans l'intention. Ça exclut également la personne qui a fait cela par ostentation. Elle a fait une ibadah, mais est-ce qu'elle l'a fait pour Allah? Non. Donc, al-mura'i n'entre pas dans cette définition. At-ta'abbudu lillah bi-isti'mali ma'in tahur, en utilisant de l'eau pure, fil a'dha il arba'a, sur les quatre membres. Quels sont les quatre membres? Est-ce que dans le wudu on lave quatre choses? Quels sont les quatre membres? Ah, monsieur. Les mains, la tête, les pieds. Le visage. Donc, Lorsqu'on dit les mains, à quel moment on parle des mains? Quand on lave les mains trois fois au début, c'est pas ça qui est voulu en général. Attention, et on le verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala. Les quatre choses, c'est quoi? C'est le visage. La deuxième chose, les mains jusqu'au coude. La troisième chose, c'est la tête. La quatrième chose, c'est les pieds. C'est ainsi que c'est cité. Puis lorsqu'on détaille, fait partie du visage, quoi? La bouche et le nez. Fait partie de la tête, les oreilles. Fait partie de la tête, les oreilles. Et fait partie des pieds, les chevilles. Voyez. D'une façon précise, c'est comme on fait al-mada, al-wudu. Donc al-waj, wal-yadan, wal-ra's, wal-rijlan. Hukm al-wudu. Le jugement de al-wudu. Quel est le jugement de l'wudu? Ma hukm al-wudu. Quel est le jugement de l'wudu? Qu'est-ce qu'il répond? Les questions sont faciles. Naam. عمي عندك ما حكم الوضوء كيف ما تعرف حاول الله أعلم هذا جواب صحيح دائما ما شاء الله عمي لي مالا il a dit je sais pas laisse moi tranquille si une personne âgée nous dit laisse moi on la laisse. صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. نعم الكبار مثل التاج على الرأس الصغير. Personnes âgées sont à l'image d'une couronne que tu mets sur la tête de l'enfant. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. La bénédiction elle est avec vos grands. Et ce mot grand, ça comprend deux catégories de personnes. Ceux qui sont grands par la science et ceux qui sont grands par l'âge. Comme a expliqué Cheikh Souleyman al-Rahili hafidhahullah. Donc, ما حكم الوضوء? Quel est le jugement de l'wudu? أنت. Quel est le jugement de l'wudu? Vous deux vous répondez. Celles qui sont venues avec toi. Aïwa. Pose-leur la question. C'est quoi le jugement de l'wudu? C'est obligatoire de faire l'wudu ou c'est pas obligatoire? Ça dépend. Allahu Akbar. T'as copié sur Adam ou bien tu connaissais la réponse? T'as trouvé toute seule? Ou c'est ton papa qui t'a donné la réponse? Sahih? Et elle a connu la réponse ou pas? Aïe. Aïe. Ça dépend. C'est ça la réponse, comme elle a dit. Naam, ça dépend. Qui avait une autre réponse? C'est Wadi? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Non? Tu dis quoi toi? Comme la petite. Ça dépend. Quelle est notre réponse? Il y a des parties du wudu qui sont fard et d'autres qui sont sunnah. Il y a des parties du wudu qui sont fard et d'autres sunnah. Par exemple, de laver la main, c'est fard, mais de laver le pied, c'est sunnah? Non. Non? Dis-moi. Par exemple, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, le fait qu'il y a des parties du corps qu'il faut laver. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas la réponse, cher frère. La réponse est ce qu'a dit la petite. Hafidah Allah. Ça dépend. Dans quel cas c'est wajib? Dans quel cas c'est wajib de faire le wudu? Naam. La salat. D'accord. Moi, là j'ai le wudu. Il y aura l'adhan du Isha. On va prier l'Isha. Est-ce que j'ai l'obligation d'aller faire le wudu? Non. Pourquoi tu me dis la salat alors? Si on n'a pas le wudu, là, tu as amené une information très importante. Donc, qu'est-ce qui nous résume ce qu'a dit notre frère? Dans quel cas, moi je veux savoir, dans quel cas je suis obligé de faire le wudu? Dans quel cas le wudu c'est wajib? Pour se purifier? Non. Non, c'est pas ça là. Ça, c'est des cas, mais c'est pas ça la question. Vous avez mangé tout le temps du dars. Non, Ibrahim. Avant la salade, si je n'ai pas mes ablutions. حكم الوضوء le jugement de l'wudu في تفصيل واجب على المحدث إذا أراد الصلاة واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها الوضوء c'est une obligation pour celui qui a perdu le wudu s'il veut faire la prière ou des choses ou une condition d'avoir le wudu comme le tawaf par exemple. Voici la réponse. Donc le jugement de l'wudu, c'est une obligation dans quel cas? Dans le cas où tu as perdu tes ablutions, tu n'as pas tes ablutions, et que tu veuilles faire la prière. Ou une action pour laquelle on conditionne l'wudu, comme par exemple at-tawaf. At-tawaf. Il y a de nombreux cas où c'est recommandé. Il y a de nombreux cas où c'est recommandé. Par exemple, celui qui a al-wudu avec lequel il a fait une prière et il refait le wudu lors de la venue de l'autre prière. C'est recommandé. Naam. Avant de faire le dhikr, avant de faire du dhikr pour celui qui n'a pas al-wudu. Par exemple. Non. Il y a d'autres cas, inshallah. On reviendra dessus au prochain dars, inshallah ta'ala. La preuve de cette obligation, le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Non, l'Ijma'. Du Coran, ayatul wudu, al-ma'ruf, ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم نعم وأرجلكم إلى الكعبين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous cite les quatre membres dont nous avons l'obligation de laver. Donc, ou bien qui sont concernés par l'eau, pour être plus précis. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah n'accepte pas une prière sans purification. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الله عز وجل n'accepte pas la prière de celui qui a perdu sa ablution jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. والإجماع على أن الوضوء واجب المحدث إذا أراد الصلاة. Il y a le consensus des savants sur cette question. C'est que celui qui n'a pas sa ablution doit les faire pour accomplir une prière. Alamain yajib al-wudu. Naam. À qui est-ce que le wudu est obligatoire? Pour qui est-ce que le wudu est une obligation? Ala kulli muslimin mukallaf. Chaque musulman responsable. Chaque musulman responsable. Responsable, ça comprend deux choses, comme on l'a déjà étudié dans Kitab al-Siyam. Qu'est-ce qu'il s'en souvient? Mukallaf, ça comprend deux choses. Naam. J'entends pas. At-tamyiz. At-tamiz, yani ça a 7 ans. Est-ce que tu dis que l'enfant à 7 ans est obligé de faire le wudu? S'il ne le fait pas le wudu, il prend le péché? Là. Al-bulugh wa al-aql. Al-bulugh, donc le fait d'atteindre l'âge de la puberté, wa al-aql, le fait d'avoir la raison. Le fait d'avoir la raison. Mata yajibul wudu. Mata yajibul wudu. Donc celui qui est majnoun, celui qui n'a pas la raison, pas obligé de faire le wudu. Non, fais pas salat. On lui dit pas de faire la salat, il n'est pas responsable. Celui qui n'a pas la raison. Mata yajibul wudu. Quand est-ce que nous avons l'obligation de faire le wudu? Quand est-ce que nous avons l'obligation de faire le wudu? Idha dakhala waqtu salat. Si l'heure de la prière entre, وأراد الإنسان أن يفعل ما يشترط له الوضوء نعم يجب عليه يتوضأ. Donc si l'heure de la prière entre, d'accord, et qu'il n'a pas le wudu, qu'il veut prier, il est obligé de, يعني, il doit prier, il est obligé de faire le wudu. Aussi pour celui qui se retrouve dans une situation où il doit faire une action, où on conditionne le wudu comme la circumambulation autour de la Kaaba et le tawaf. Non. Shurut sihhat al-wudu. Un des points les plus importants du cours, les conditions pour que ton wudu soit sahih, pour que le wudu soit authentique. Premièrement, l'islam, le fait d'être musulman. Deuxièmement, l'aql, la raison. Deuxièmement, la raison. Troisièmement, être tamiz, avoir atteint l'âge de du discernement. Avoir atteint l'âge du discernement. Beaucoup de savants disent que c'est 7 ans. Quatrièmement, être niya, l'intention. Cinquièmement, être ma'utaho, avoir de l'eau pure. On a expliqué ce que c'était. Sixièmement, ibahatul ma, que cette eau soit licite. Que cette eau soit licite. Septièmement, inqita'ul mujib, le fait que la chose qui annule tes ablutions s'arrête totalement. Par exemple, quelqu'un qui a uriné, est-ce qu'il peut commencer à faire le wudu avant d'avoir fini? Non. Inqita'ul mujib, que la chose pour laquelle il a refait le wudu s'arrête totalement. Huitièmement, izalatul mani', ôter toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre le membre à laver, comme le vernis pour les femmes par exemple, ou comme maza, par exemple du ciment qui aurait touché la main de celui qui travaille, ou de la terre. Tu dois enlever cette chose qui empêcherait l'eau d'atteindre ta peau, ensuite seulement tu pourras commencer el wudu. Et neuvièmement et dernièrement, el istinja عند قيام السبب. لا نقول الاستنجاء مطلقا بل الاستنجاء عند قيام السبب. Le fait de se nettoyer, donc la partie intime, après avoir fait ses besoins. Le fait de se nettoyer la partie intime, si la personne va faire ses besoins. Si la personne va faire ses besoins. Quant à celui qui fait le wudu mais qui n'est pas allé aux toilettes, est-ce qu'il est obligé d'aller d'abord laver ses parties? Puis ensuite il fait le wudu? Non. C'est obligé pour celui qui est parti aux toilettes. Voici les 9 conditions d'authenticité des ablutions. Et c'est ce que nous allons développer dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, qui aura donc lieu mercredi prochain. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.